Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Une fois encore, le poète s'adresse à la muse pour lui demander de lui envoyer un peu d'inspiration divine. Raconte-moi, muse, les aventures de l'homme aux mille ruses. Oh, ça rime. Qui, après avoir saccagé la cité de Troie, a souffert tant d'années en voyageant sur les eaux. Cela fait 10 ans que la terrible guerre de Troie est terminée. De grands héros sont morts. Achille, Patrocle, Hector ne sont plus. Quant aux vivants, ils ne sont pas pour autant tirés d'affaire. Ulysse, par exemple, est introuvable. Sur l'île d'Ithaque, le trône est vide. Sa femme, Pénélope, et son fils Télémaque sont très inquiets. Bon sang de bonsoir, mais où est-il passé, ce bougre ? La vérité, c'est que le pauvre Ulysse est perdu. Poursuivi par Poséidon, il erre sur la mer Méditerranée en proie à de terribles dangers. Tantôt il lutte contre les ouragans, tantôt il affronte d'affreuses créatures. Mais peut-être que... Oh, attends, on dirait qu'il y a du nouveau. Nous sommes sur le mont Olympe. Profitant de l'absence de Poséidon, Zeus a réuni tous les dieux. Oula, il a l'air sacrément en pétard. La barbe, c'est mortel. Moi, je n'en peux plus. Mais vous les entendez parler, et c'est à cause des dieux. Et pia-pia-pia. Ils n'arrêtent pas de prendre de mauvaises décisions, et ce serait de notre faute s'ils ont des vies misérables. Non, là, vraiment, ce n'est plus possible. Athéna observe son père. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Se demande-t-elle. Il est en train de nous griller une cartouche ou quoi ? Franchement, quel rapport avec la moussaka ? Bon, allez, ça suffit. Les yeux de la déesse sont noirs. Elle est inquiète. Oh, pas pour son père. Ça lui arrive souvent de dérailler. Non. C'est pour le mortel Ulysse qu'elle se fait du mouron. Quand je pense au roi d'Ithaque, finit-elle par dire, mon cœur se déchire. Cela fait 20 ans qu'il a quitté son île. Quand va-t-il enfin pouvoir rentrer chez lui ? En ce moment, il est retenu prisonnier par la nymphe Calypso. Elle l'aime, elle rêve d'en faire son mari. Alors elle l'ensorcelle et tente de le séduire par tous les moyens. Le pauvre n'en peut plus, il souffre, c'est horrible. Dis-moi, grand maître de l'Olympe, n'as-tu pas de cœur ? As-tu oublié Ulysse, l'homme qui t'a honoré tant de fois lorsqu'il combattait à Troie ? Évidemment que non, Zeus ne l'a pas oublié. Comment oublier un mortel tel que lui ? Ulysse est si malin, si vif, si rusé. Mais que faire ? Poséidon s'acharne contre lui. Oh-le, le roi des dieux, réfléchis ! Creuse-toi le ciboulot à la petite cuillère. Tu vas bien finir par trouver quelque chose. Oh, ça y est ! Alléluia ! Ses lèvres immortelles remuent, on dirait qu'il a une idée. Hermès, puisque tu es le messager des dieux, vite, va dire à la nymphe Calypso que nous demandons le départ immédiat de notre cher Ulysse au grand cœur, afin qu'il puisse rentrer chez lui. Eh bien voilà ! Oh, franchement, ce n'était pas si compliqué. Ni une ni deux, Hermès chausse ses sandales magiques, hop, il s'envole. Ses souliers d'or le propulsent à toute vitesse sur le dos de la mer. Comme un goéland fou à la poursuite de succulents poissons, il plonge et replonge en se laissant porter par les vagues. Wouh ! Youhou ! Absolument délicieux ! Enfin, il pose ses petits pieds sur l'île de Calypso. Sans surprise, il trouve la nymphe chez elle, enfin, oui, je veux dire, dans sa grotte. Calmement mais fermement, il lui explique la situation. Jaloux ! Vous êtes des jaloux ! Lui répond alors Calypso à deux doigts de péter un lampion. C'est toujours pareil avec vous. Dès qu'un mortel et une déesse tentent de s'unir, vous vous y opposez. Qui est allé le sauver lorsqu'il était perdu dans le nombril de la mer ? Qui lui a promis de le rendre immortel grâce à sa magie? C'est vous peut-être? Non! Et maintenant vous voulez me le reprendre? Eh bien, soit! Mais je n'ai pas le courage de le ramener chez lui. En plus, il se trouve que j'ai raté 3 fois mon permis bateau. Donc débrouillez-vous. Immédiatement, Ulysse commence à construire un radeau. Durant 4 jours, il coupe, il assemble, il taille, il polit. Alors qu'il s'apprête à prendre la mer, la nymphe le retient encore quelques secondes. Va ! Lui dit-elle, les jambes toutes chancelantes. Si tu savais comme moi les malheurs qui t'attendent, tu choisirais de rester auprès de moi. Ulysse ne répond rien. Il fait glisser son radeau sur le sable. Et dans un silence d'or, caressé par le clapotis des vagues, il s'en va, poussé par le petit vent doux que fait souffler la déesse. Pétard, c'est pas trop tôt! S'exclame Ulysse, fou de joie, en voyant le rivage s'éloigner. Rien n'affiche de l'amour des déesses, et maintenant en direction la maison! Hélas, Poséidon, tout juste rentré du bout de la terre, l'aperçoit sur son radeau de bois. Le maître des mers entre dans une colère noire! La vache, mais qu'a-t-il contre le roi d'Ithaque? D'un geste rapide, Poséidon lève son trident dans les airs. Il rassemble les nuages et d'un même mouvement agite les vagues qui montent très haut dans le ciel. Des vents violents venus des 5 continents se déchaînent. La nuit tombe, elle est déchirée d'éclairs. Ulysse tremble de peur. Calypso avait raison, ça y est, c'est la fin. Pour moi c'est quick. Hélas, le pauvre n'a même pas le temps de finir sa phrase. Une immense vague s'abat sur lui. Le radeau se renverse. Ulysse roule dans la mer. Il coule. Comme un anchois à l'huile, entouré de ses haricots verts, il se laisse porter, à la verticale, au milieu des algues. Heureusement, le bon Ulysse n'a pas dit son dernier mot. Il cligne des yeux et d'un coup sec, il remonte à la surface. Il nage de toutes ses forces pour échapper à la mort. Deux jours durant, il dérive, de-ci, de-là, sur les flots tout déchirés d'écume. Le matin du 3e jour... Surprise! Il aperçoit une drôle de forme dans le lointain. Que vois-je? Une crêpe géante? Se demande-t-il. Oh, mais non! C'est un bout de terre ferme! Son cœur bondit dans sa poitrine. Je crois qu'on appelle ça le bonheur! Épuisé, il atteint le rivage. Il fait quelques pas, puis il s'effondre sur le sable. Au même moment, Athéna, qui, sans qu'il ne le remarque, protège Ulysse depuis son départ, souffle des mots magiques à l'oreille de Nausicaa, la fille du roi des Phéaciens. Car c'est au pays des Phéaciens, figure-toi, que s'est échoué notre anchois. Notre Ulysse. Va, Nausicaa, lave ton linge près du rivage. Fais du bruit, n'hésite pas. Amène quelques amis, défoulez-vous, tu ne le regretteras pas. Et ainsi, Nausicaa se rend près du rivage. Elle est en pleine forme, tout comme ses camarades d'ailleurs. Elles sautent en l'air, elles font la roue, elles jouent au ballon comme des folles. Lorsque Lys enfin se réveille, il fait un bond. Nu? Je suis nu comme un ver. Nom de Zeus, mais qui sont ces femmes? Des déesses? Des humaines? Vite, il coupe une branche pleine de feuilles pour se couvrir un peu. Oui, voilà. Oh, c'est mieux. Il s'approche. Nausicaa, qui lui trouve l'air fort sympathique, le conduit jusqu'au palais de son père. Le roi des Phéaciens s'appelle Alcinous. Y a pas à dire, c'est un chic type. Sans même lui demander son nom, il accueille le naufragé à bras ouverts. Et pour lui montrer que les habitants de son pays s'y connaissent en raffinement, il fait organiser de grands jeux en plein air. Lancer de disques, course, lutte, boxe, oh pétard, tout y est! Très vite, Les jeux se transforment en fête. Des danseurs et des musiciens se mêlent aux sportifs. Ulysse est émerveillé, il se sent tout d'un coup d'humeur à se plonger dans le passé. Cela tombe extrêmement bien, car il vient de reconnaître dans la foule un poète très talentueux, l'aveugle Démodocos. Alors il l'interpelle en lui lançant ces mots qui courent jusqu'à ses deux oreilles. Toi qui chantes si bien, raconte-nous comment les Grecs se sont emparés de la puissante ville de Troie. Et surtout, n'oublie pas la fameuse histoire de l'animal, je crois que c'est une grenouille ou une biche. Ajoute le malin Ulysse pour s'assurer du sérieux du poète. Non, un cheval. Répond alors Démodocos en fendant la foule. Puis il se met à raconter, légèrement agacé par la ruse, mais ravi d'avoir été reconnu. Et c'est ainsi que l'Odyssée d'Homère, pour un petit instant, nous ramène en arrière. Youpi ! Nous allons enfin savoir comment se terminer cette drôle de guerre. Démodocos commence son récit à la toute fin du siège. La nuit, lentement, vient de tomber sur le soir. Les Grecs, tiens, c'est étrange, sont remontés sur leur bateau. Au même moment, un cheval de bois, immense, magnifique, est arrivé devant les portes de la cité de Troie. Les habitants hésitent et puis, curieux, ils tirent l'animal qui passe les murailles de la ville. Ça y est, le voilà à l'intérieur. Et maintenant, que faire ? Le percer d'une immense lance, le jeter du haut d'une falaise, ou bien l'honorer comme un cadeau envoyé par les dieux? Hélas, c'est cette troisième idée qui l'emporte. Malheur à vous, Troyens naïfs! Les Grecs n'ont pas mis les voiles, ils ont fait semblant de partir! Ce cheval est une ruse! Dans son ventre de bois sont cachés Ulysse et plusieurs de ses compagnons. Lorsque les habitants sont plongés dans le sommeil, ils sortent de la bête, ils ouvrent les portes de la ville et font entrer leurs amis. Pas un miaou dans les rues, les Grecs se faufilent dans le noir, ils entrent dans les maisons, ils pillent, ils tuent. Les Troyens n'ont pas le temps de réagir, c'est un véritable carnage. Troie est tombée. Les Grecs ont gagné la guerre. Et tandis que Démodocos poursuit son récit, Ulysse, qui n'a toujours pas révélé son identité, se met à pleurer. Il pense à Agamemnon, à Ménélas et à tous ceux qui sont morts. Il revoit Pénélope, Télémaque et son palais à Ithaque. Impossible d'arrêter les larmes qui coulent sur ses joues, Ulysse s'est transformé en fontaine. Immédiatement, le bon roi Alcinous demande au poète d'arrêter. Puis, il s'adresse à Ulysse. Étranger, dis-nous enfin ton nom et celui de ton pays afin que nous puissions t'y raccompagner. Mais avant, délie ta langue, dépose ton chagrin comme une pierre sur le sol, raconte-nous les malheurs qui t'ont conduit jusqu'ici. Je le vois dans tes yeux. Il y a au fond de tes pupilles des orages, des tempêtes, des créatures féroces et partout, la mort. L'homme aux mille ruses commence alors son récit. Je m'appelle Ulysse. Je suis roi d'Ithaque. Vous racontez mon histoire? Je veux bien, mais par où commencer? Accrochez bien vos sandales. Je vous préviens, ça va décoiffer. L'île de la nymphe Calypso s'appelle Ogygi. C'est un endroit merveilleux, époustouflant de beauté. Alors, évidemment, beaucoup ont essayé de la retrouver. Certains l'ont cherchée près de l'île de Malte, d'autres au large du Maroc, d'autres encore bien plus au nord, à l'ouest de la Bretagne. Oh, ça paraît complètement fou!